troisième et dernier temps de notre série d'émissions consacrées aux villes d'eau et au thermalisme. Ce matin, notre émission d'archives s'interroge sur les villes d'eau comme des villes de pouvoir. Dans cette émission, co-animée par Christelle Polotek, avec notre invité Bernard Toulier, qui est conservateur général honoraire du patrimoine et spécialiste des villes thermales, mais également des villes balnéaires, et grâce à des textes de Pline l'Ancien, de Madame de Sévigné, des frères Goncourt et de Jules Romain, qui seront lus pour nous par Nathalie Canoui, nous allons nous demander en quoi les villes thermales sont ou ont été de véritables temples des loisirs élitaires au prétexte thérapeutique, comme l'écrit Bernard Toulier. Nous comparerons les villes balnéaires de bord de mer et les villes thermales dans leur organisation spatiale comme dans l'usage qu'en font les classes dirigeantes du 18e siècle au 20e siècle. Quels en sont les investisseurs? Quel rôle joue l'État? Comment celui-ci afferme-t-il les bains aux sociétés privées? Pourquoi ces villes thermales sont-elles aussi des villes de pouvoir? Bref, c'est ce que nous demanderons jusqu'à 10h ce matin dans la Fabrique de l'Histoire. Mercredi 31 mai 1893. Vichy, avec son improvisation de bâtisses, de baraquements, de boutiques pour la grande saison, a quelque chose de la construction féerique d'une ville d'Amérique. Vendredi 2 juin. Dans l'après-midi, tous les jours, les musiques du parc tombant dans ma sieste me donnent l'impression de me réveiller dans une foire où je me serais endormie sur un banc. Lundi 12 juin. Aujourd'hui, dans les deux parcs, dans les cafés, le grouillement de la grande saison qui commence. Ici, le café, c'est au fond l'émancipation de la femme bourgeoise de province hors de sa vie d'intérieur et son intronisation dans la vie extérieure de la cocotte. Un extrait du journal des frères Goncourt que vous avez choisi pour nous. Christelle Polotek, bonjour. Bonjour. Pour cette émission donc consacrée aux villes d'eau comme villes de pouvoir, et nous sommes avec notre invité Bernard Toulier. Bonjour Bernard Toulier. Bonjour. Vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à Tours, que nous remercions de vous y accueillir. Vous êtes conservateur général honoraire du patrimoine. Vous avez été le commissaire d'une exposition l'année dernière à la Cité de l'Architecture qui s'intitulait « Tous à la plage » et vous êtes spécialiste depuis longtemps maintenant de l'architecture des villes d'eau, qu'elles soient d'ailleurs des villes de bord de plage, de bord de mer ou des villes de stations thermales. On vient d'entendre cet extrait du journal des frères Goncourt qui date de 1893, qui décrit à la fois les constructions de d'une ville thermale, donc les bâtisses, les baraquements, les boutiques de la grande saison, mais aussi les parcs et évidemment la sociabilité qui va avec justement ces constructions dans une ville thermale. Il y a tout cela qui caractérise, pourrait-on dire, dans l'image que l'on s'en fait, une ville thermale comme une ville de station balnéaire aussi. Oui, c'est une ville, en fait, on pourrait les appeler toutes les deux des villes de villégiature. Et donc la villégiature, dans le sens italien et dans le sens européen du terme, c'est la ville de l'ailleurs. C'est la ville, en fait, éphémère, la ville de saison, où l'on passe une partie d'eux, une partie hors de la ville. Et donc, c'est un peu l'anti-ville, la ville où la musique règne, c'est la saison éphémère, c'est la ville de loisirs, la ville du café-concert, c'est la ville également hors de la morale de la ville. On parlait des cocottes tout à l'heure, la ville, en tout cas, des rencontres, et c'est la ville utopique. Donc, c'est un peu tout cela, ces villes, qu'elles soient qu'elles prennent prétexte presque du prétexte médical dans la partie thermale, ou qu'elles prennent prétexte de la partie préventive, enfin médicale et préventive, au bord de l'eau. Et ensuite, les villes de villégiature vont être des villes qui vont se démultiplier et jusque aujourd'hui. Christelle Polotek. À partir de quand va se fixer là, ces éléments indispensables à une ville thermale, c'est-à-dire hôtel, établissement de bain, casino, théâtre? À partir de quel moment on peut le dater? Disons qu'en tout cas, on pourrait parler de fièvre thermale durant le Second Empire, qui va voir se développer largement les villes d'eau de l'empereur, avec également le développement des chemins de fer qui favorise l'éclosion de nombreuses stations. Médecins et industriels, banquiers et particuliers investissent directement dans la création et dans le développement de ces stations thermales. Et donc l'eau devient une source de richesse intarissable. L'eau minérale, bon, c'est une mine liquide qui s'épanche spontanément donc à la surface du sol, mais qui irrigue donc l'économie et qui va donc être le vecteur de nouvelles économies. Et les banquiers vont vite voir l'intérêt de cela. On aura Émile Pereire qui fonde Arcachon. L'Arcachon, certes balnéaire, mais aussi thermale, la famille Boulomier qui crée la station de Vittel, et sous la Troisième République, par exemple, les frères Brosson qui lancent Châtel-Guyon sous l'impulsion du banquier Brocard. Mmh. Donc toute cette seconde moitié du XIXe siècle va voir croître ces villes d'eau avec la typologie des architectures publiques et des architectures privées qu'on va voir bientôt, et on va voir une ville comme Vichy qui, de 1850 à 1914, on va dire, passe de 1500 à 15 000 habitants. Mmh. Aix-les-Bains qui passe de 3 000 à 9 000 habitants. Et donc on va avoir un parti exponentiel de construction de ces villes de loisirs dans cette fièvre thermale d'hommes soucieux de s'enrichir par l'exploitation des sources et du commerce des eaux minérales en même temps. Alors, cette expansion urbaine due à des sources, on la connaît aussi dans une autre période dont on parlait lundi avec nos deux invités, à savoir l'Empire romain qui se couvre justement de ce thermalisme qui a d'autres fonctions que des fonctions purement thérapeutiques, comme on peut le prétexter pour le 19e siècle, et des fonctions sociales, des fonctions qui correspondent à l'Empire romain, tel que le raconte Pline l'Ancien dans ce texte qui nous est lu par Nathalie Canoui. Elles jaillissent avec libéralité de toutes parts dans une multitude de régions, froides ici, chaudes là, les deux ensemble en d'autres endroits, comme chez les Tarbelles, nation d'Aquitaine, et dans les monts Pyrénées, où elles ne sont séparées les unes des autres que par de petits intervalles, ailleurs encore tièdes et dégourdies. Proclamant les secours qu'elles prodiguent contre les maladies, et ne sortant avec impétuosité que pour les hommes parmi tous les animaux, elles augmentent d'une diversité de noms le nombre des dieux, et fondent des villes comme Puséole en Campanile, Staciélé en Ligurie, Sextiers dans la province narbonnaise. Cependant, elles ne sont nulle part plus abondantes que dans le golfe de Baïès. Et nulle part, elles n'offrent des secours plus variés. Certaines le font par la vertu du soufre, d'autres par celle de l'alun, du sel, du nitre ou du bitume. Plusieurs aussi par un mélange acide ou salé. Quelques-unes sont bénéfiques par leur chaleur même, et leur puissance est si grande qu'elles chauffent les bains et vont jusqu'à forcer l'eau froide à bouillir dans les baignoires. Celles qu'on appelle dans la région de Baïès les eaux posidiennes, qui ont reçu leur nom d'un affranchi de Claude César, cuisent même entièrement les aliments. Celles que posséda Licinius Crassus exhalent de la vapeur dans la mer même, et il sort, au milieu des flots, quelque chose de salutaire pour la santé. Voilà pour cet extrait de Pline l'Ancien qui nous dit que ces sources servent à fonder des villes. Alors, est-ce qu'il y a une référence, Bernard Toulier, à cette époque antique, chez ceux qui, nourris de culture classique au XIXe siècle, pourraient justement facilement fonder ou refonder de nouvelles villes thermales en faisant prétexte qu'elles vont rejoindre un passé plus lointain, et en particulier le passé de l'Empire romain? Est-ce que vous avez trouvé chez ceux qui travaillent à l'architecture, à la conception, à l'urbanisme de ces villes, des relations avec l'Antiquité ou pas du tout? Est-ce qu'on est des nouveaux fondateurs, pourrait-on dire, quand on fonde au XIXe siècle des villes thermales et on les développe, Bernard Toulier? Ces villes nouvelles, en fait, s'ancrent dans la tradition. Et c'est d'ailleurs un vecteur très important d'attraction. Quand on est à Vichy ou à Aix, par exemple, on a les pieds donc directement dans les fouilles archéologiques qui ont commencé à être visibles, notamment à partir de 1930, lorsqu'on va agrandir l'établissement thermal de l'architecte par l'architecte Pétriot, mais et on le voit encore aujourd'hui en dessous, c'est l'établissement thermal antique. Donc on est au-dessus directement. Et donc, lorsque les villes nouvelles comme Châtel-Guyon, par exemple, vont prendre le fait de la construction thermale ou le Mont d'Or, au Mont d'Or, l'établissement thermal va se parer donc d'une magnifique architecture qui imite un peu l'antique, mais surtout de peintures murales qui vont évoquer, par les magnifiques peintures de Louis Anglander, la restitution de l'époque gallo-romaine. Mmh. Donc on va être entièrement pétri de cette culture antique. Et quand on est à Châtel-Guyon, mais on prend bien sûr pour construire l'établissement thermal un grand architecte, un architecte savant, un architecte qui est passé par l'école de Rome, et on va faire là une architecture extraordinaire de pittoresque et d'éclectisme. Mmh. C'est-à-dire qu'on va marier l'architecture auvergnate à l'architecture romaine. Et donc, c'est un exploit. On a là un grand écart que ne peut faire que, bien sûr, un architecte qui est passé par l'école des Beaux-Arts et qui sait parfaitement dans la construction ternaire, avec un avant-corps central, des avant-corps latéraux, etc., faire revivre donc le Pompéi antique à l'intérieur et à l'extérieur évoquer les chapelles romanes. Donc c'est vraiment là, pour l'architecte, enfin pour l'historien de l'architecture que nous sommes, vraiment, c'est ce qui m'a permis d'être passionné par ces villes thermales, c'est-à-dire comment construire la ville utopique et pittoresque qui permet de faire venir l'ensemble d'une société et qui permet de fasciner à chaque fois les sociétés, de fasciner et de renouveler cette fascination, parce que comme pour les villes balnéaires, on va avoir une concurrence et donc on va aller dans tel ou tel lieu parce qu'on vient de construire ou un nouveau casino ou un établissement thermal ou un nouveau palace très confortable avec les derniers éléments du confort, le téléphone, l'ascenseur, etc. Et on va toujours vouloir éblouir. Ce sont des villes qui éblouissent certes par l'ambiance, on a parlé tout à fait au début de la musique, et c'est une musique faite pour des valses, donc il y a des compositeurs de musique qui viennent là et qui composent, mais aussi on perd jamais de vue que depuis l'après-bain, donc dès 10h, 11h, on va entendre dans les kiosques les musiques pour l'heure de l'apéritif, et jusque très tard dans la nuit, on va avoir 1, 2 ou 3 orchestres qui vont nous accompagner pendant tout le temps. C'est un lieu d'ambiance qui est au-delà du quotidien de la ville. Alors, il y a effectivement cette question justement de la vie mondaine. Vous avez beaucoup travaillé sur la vie mondaine entre le 18e et le 20e siècle dans ces architectures de villes d'eau, en l'occurrence Bernard Toullier, mais il y a une période un peu antérieure. C'est évidemment le 17e siècle et c'est Madame de Sévigné qui raconte comment elle va prendre les eaux. C'est cela, Christelle de Polothèque ? Oui, c'est ça qui va à plusieurs reprises, hein, on le voit dans la correspondance, prendre les eaux. Donc elle envoie évidemment des courriers à sa fille. Là, c'est une autre ville qu'elle décrit. On va reparler avec vous, Bernard Toullier, après cette lecture. J'ai donc pris des eaux ce matin, ma très chère. Oh, qu'elles sont méchantes! J'ai été prendre le chanoine qui ne loge point avec Madame de Brissac. On va à 6h à la fontaine, tout le monde s'y trouve. On boit et l'on fait une fort vilaine mine, car imaginez-vous qu'elles sont bouillantes et d'un goût de salpêtre fort désagréable. On tourne, on va, on vient, on se promène, on entend la messe, on rend les eaux, on parle confidemment de la manière qu'on les rend. Il n'est question que de cela jusqu'à midi. Enfin, on dîne. Après dîner, on va chez quelqu'un. C'était aujourd'hui chez moi. Madame de Brissac a joué à l'ombre avec Saint-Hérem et Plancy. Le chanoine et moi, nous lisons l'Arioste. Elle a l'italien dans la tête, elle me trouve bonne. Il est venu des demoiselles du pays avec une flûte qui ont dansé la bourrée dans la perfection. C'est ici où les bohémiennes puisent leurs agréments. Elles font des dégoniades où les curés trouvent un peu à redire. Mais enfin, à 5 heures, on va se promener dans des pays délicieux. À 7 heures, on soupe légèrement, on se couche à 10. Vous en savez présentement autant que moi. Je me suis assez bien trouvée de mes os. J'en ai bu 12 verres. Elles m'ont tapé pour G. C'est tout ce que l'on désire. Je prendrai la douche dans quelques jours. Je vous écrirai tous les soirs. Ce m'est une consolation. Et ma lettre partira quand il plaira à un petit messager qui apporte les lettres et qui veut partir un quart d'heure après. La mienne sera toujours prête. Oh ! L'abbé Bayard vient d'arriver de sa jolie maison pour me voir. C'est le druide Adama de cette contrée. Voilà pour cette lettre de Madame de Sévigné à sa fille, datée du 21 mai 1676. Où se trouve-t-elle lorsqu'elle raconte ses eaux, justement, en l'occurrence, Christelle de Polautec? Elle est bien sûr à Vichy, qui donc n'est pas encore cette ville des loisirs que vous nous décriviez, à Bernard Toulier. Mais on en voit là vraiment tous les prémices, c'est-à-dire la musique, la sociabilité. Bernard. Oui, tout à fait. Et donc, on voit bien aussi l'emploi du temps du curiste, de la curiste, des curistes. Et l'emploi du temps ne varie guère pendant le 19e siècle. Simplement, on prend les eaux le matin et on commence à boire ou éventuellement à se tremper dans les baignoires ou les piscines, suivant les indications médicales. Et il faut toujours que ce soit difficile. Il faut que l'eau soit mauvaise. Mm-hmm. Il faut que, parce qu'il faut quand même souffrir un peu. Souffrir un peu dès le début. Après, le soir, c'est autre chose. Mais donc la souffrance fait partie du médical. Et avant de partir, et d'ailleurs, Madame Sévigné le dit bien, on donne la médication, on va chercher la médication auprès du médecin. Combien de verres dois-je prendre donc la première semaine, la deuxième semaine, quels sont les soins que je dois faire, la troisième semaine, etc. Et donc, il y a une gradation dans les soins et un suivi médical. Et le médecin parisien peut très bien après être votre médecin qui vous suit dans le sens littéral du terme dans la station thermale. Et on a là encore dans le bottin mondain ou dans les annuaires médicaux les adresses de médecins que l'on voit dans les lieux de villégiature suivre leurs patients. Ensuite, oui, allez-y, continuez. Oui. Non, allez-y. Qu'est-ce qui explique Bernard Toulier que le XVIIIe siècle accélère, pourrait-on dire, ce goût pour les villes thermales? On voit bien que Madame de Sévigné y va donc dans le dernier quart du XVIIe siècle, mais c'est, dites-vous, en tant qu'historien de l'architecture, mais également tous les historiens qui ont travaillé sur ce sujet-là, c'est vraiment au XVIIIe siècle et surtout évidemment au XIXe que va exploser l'usage de ces villes d'eau. Qu'est-ce qui explique que ce soit ce moment-là qui soit le moment privilégié du développement de ces villes? Eh bien, c'était donc pour plusieurs facteurs, plusieurs raisons. D'abord, la raison médicale. On aura une académie qui va essayer de réglementer les choses. Et donc, chaque source va être analysée par des analyses d'eau, certes, mais également pour savoir qu'est-ce qu'elle peut guérir. Mmh. Et donc, il y aura la concurrence médicale qui sera là. Chaque petite station va faire ses traités et va essayer de les envoyer à Paris, de les faire lire à l'académie médicale, de médecine, et va essayer d'avoir une notoriété médicale. Cette notoriété médicale, l'important, c'est qu'elle soit prise en compte par une notoriété économique, c'est-à-dire intéresser un banquier. Et enfin, troisièmement, le développement des transports va jouer un rôle important pour être, par rapport aux grandes villes et par rapport aux capitales, être un centre national, voire international, qui permette d'aller rapidement d'un lieu à un autre et de pouvoir avoir une société la plus élargie possible, de façon à avoir une ville qui représente des nations, qui représente, ça doit être un lieu par exemple, et là on a beaucoup d'archives très intéressantes, c'est un lieu où on espionne. C'est un lieu où la diplomatie est vraiment à son point le plus haut dès le XVIIIe siècle et surtout beaucoup au XIXe siècle. C'est un lieu donc où on va se promener et en même temps être à faire des excursions un peu qui permettent de pouvoir dialoguer un peu comme ensuite les rendez-vous de chasse au XIXe siècle également vont être des lieux pour pouvoir traiter des affaires. Oui, et là, ces lieux-là, les cercles vont être très forts. Et tout de même, il y a aussi peut-être quelque chose, un changement du rapport à la nature. Ces stations thermales, pour pas toutes, mais pour certaines d'entre elles, sont situées dans des chaînes montagnardes, que ce soit les Pyrénées ou dans les Alpes, dans des endroits où, disons, il y a un renversement, dit-on, au XVIIIe siècle, du regard porté sur ces montagnes, qu'on commence à conquérir d'ailleurs par l'excursionnisme. Et donc, il y a peut-être là aussi un changement dû à la pensée des encyclopédistes, à la pensée de Rousseau vis-à-vis justement de la place des hommes dans ces espaces qui étaient considérés comme autrefois comme inhospitaliers, Bernard Toullier. Oui, donc l'aspect romantique certainement a joué pour beaucoup et l'aspect romantique avec petit à petit d'une part les premières stations étaient des stations qui pour moi sont souvent d'ordonnance néoclassique, c'est-à-dire que il faut se référer à l'antique, il faut se référer à la grande architecture, et petit à petit, une architecture qui prendra de l'exotisme, du pittoresque, et qui va être, comme à Nice, un peu très éclectique. Quand je dis à Nice, c'est le Nice climatique et balnéaire, mais il y a des correspondances très bien. Quand on est, par exemple, à Carlo Vivari, donc à l'extérieur, bien sûr, de la France, parce qu'il y a beaucoup de stations qui sont aussi dans les chaînes alpines en dehors de la France. Et donc, quand on est à Montecatini, certes, il y a de l'architecture classique, mais il y a, surtout au 19e siècle, une architecture éclectique qui permet de transformer ce romantisme, je dirais, en pittoresque exotique. Christelle Le Polothèque. En 1850, on compte déjà 200 stations thermales en France. Elles sont fondées à l'initiative de l'État, c'est-à-dire qu'elles appartiennent en partie à l'État, ou ce sont déjà des initiatives privées ? Alors, les deux, c'est-à-dire, malgré la faiblesse de sa représentation, l'État joue un rôle moteur dans l'expérimentation et l'exemplarité des constructions thermales. Et donc, le domaine thermal de l'État s'accroît au cours du 19e siècle. Par exemple, Vichy, qui deviendra plus tard la reine des villes d'eau, comme Néris, comme Bourbon, l'Archambon, sont tombés dans le domaine royal, devenus ensuite domaine national. Et donc, dès le début du 19e siècle, l'État, ensuite jusqu'en 1853, devient successivement propriétaire des thermes, par exemple à Plombières, dans les Vosges, ou à Bourbonne-les-Bains, en Haute-Marne, ou à Luxeuil, dans la Saône, et à la suite du retour de la Savoie à la France en 1860, ce sont les thermes d'Aix-les-Bains qui seront nationalisés. Enfin, dans d'autres établissements thermaux, sont annexés également, momentanément ou pour une période plus importante, dans le domaine national, comme l'établissement de Bourbon-Lancy. Et si les établissements thermaux administrés en régie ont tendance à végéter, les stations affermées, comme Plombières ou Vichy, bénéficient de largesses directes de l'empereur et de l'État. Et donc, à partir des années 1860, on aura deux types de stations, les stations affermées et les stations en prise directe, surtout à la fin du 19e siècle. Et donc, on verra, comme sur Châtel-Guyon, par exemple, ce sont des stations qui sont construites par des banquiers qui eux-mêmes ont des actions dans les chemins de fer. Qu'est-ce que vous appelez le PO ou le PLM, etc. Enfin, il y a deux compagnies qui desservent l'Auvergne. Et pourquoi deux compagnies? Bien, chacune de ces compagnies a des actions dans les stations. Et donc, on voit bien la liaison très forte entre les banques, le transport et ces villes thermales. Qu'est-ce qu'on appelle des stations à fermer? Comment cela se caractérise dans la façon dont elles sont à la fois créées et gérées ensuite, Bernard Toulier? Bien, ce sont des sociétés qui doivent faire, du bénéfice, et en même temps, on bénéficie très souvent de largesse de l'État lorsqu'il s'agit de construction, lorsqu'il s'agit de pouvoir aussi bien à l'extérieur de la station recréer des griffons, c'est-à-dire des forages. Donc on met des inspecteurs de l'État là. Donc il y a un contrôle de l'État au niveau médical, au niveau également de la géologie, etc. D'où vient l'eau, etc. Est-ce qu'elle a bien les bonnes caractéristiques? On fait des analyses et ensuite on aide dans la construction des griffons jusqu'à des fontaines. On aide également la construction de bâtiments et on a là une attention particulière de l'État qui lui pour le bien public, certes, mais aussi pour le développement du médical et le développement aussi des transports, va travailler avec les banquiers pour avoir un développement de stations. Alors, un extrait de l'Encyclopédie de l'architecture et de la construction, daté de 1898, un texte de Gustave Rive que vous citez dans un célèbre. De vos... Ah oui, célèbre pour vous, surtout en l'occurrence Bernard Toulier, puisque vous êtes un spécialiste du sujet, voilà, lu par Nathalie Canoui. Il faut que le casino soit placé à l'endroit le plus agréable de la station balnéaire. Sa situation et son orientation ont une très grande influence sur les résultats de son exploitation. Il faut que ses abords soient assez faciles, larges, bien entretenus, la façade principale au soleil, et si la configuration du pays le permet, le bâtiment sera bien abrité. Autour de lui, des espaces seront réservés pour les jeux et les exercices du corps. Enfin, et c'est là une des conditions essentielles de sa vitalité, il doit être à proximité du meilleur endroit de la plage où l'on se baigne, ou près de l'établissement thermal. Oui. Voilà, Bernard Toulier, ce texte de 1898 tiré de l'Encyclopédie de l'architecture et de la construction qui donne d'une certaine façon une sorte de vade-mecum à tous les architectes pour savoir comment développer de nouvelles stations thermales, comment y implanter un casino qui se trouve donc façade au soleil. C'est ainsi en tout cas que Gustave Rive l'imagine. Cela veut dire qu'il y a une sorte de spécialisation chez les architectes. On va se spécialiser en ville thermale ou ce sont des architectes qu'on connaît pour tout autre travaux d'urbanisme qui vont venir développer ces villes thermales à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, Bernard Toulier? Alors, très très vaste question et intéressante bien sûr, c'est que on voit bien dans le texte que c'est un texte sur les casinos, que ce soit un casino thermal ou balnéaire, pour l'architecte c'est la même chose au niveau du programme. Pas tout à fait quand même, parce que premièrement, les plans d'extension et d'embellissement des stations qui vont notamment au début du XXe siècle, comme la loi Cornudet de 1919, etc., obliger, si on veut avoir un label des stations balnéaires ou thermales, de faire correspondre le plan de la ville à une certaine hygiène, à un certain urbanisme. Et donc, on sera obligé de pouvoir se doter d'une chambre d'industrie thermale, mais aussi de plans d'embellissement de la station. Et on aura donc des stations thermales ordonnancées au niveau de l'urbanisme. Et également, selon certains principes. Principe important dans la station, qui est le principe de la promenade. Déjà, Madame de Sévigné disait, après avoir pris sa boisson, elle va se promener pour ensuite rendre les eaux. Puisque donc, il faut que l'eau digère. Et donc, la meilleure digestion, ça se fait pendant la marche. Et dans les promenades couvertes, magnifique promenade couverte du Vichy, par exemple, de Le Cœur, entre la station thermale, l'établissement de bain et ensuite le casino, mais également qui irrigue tout le parc, ces magnifiques galeries-promenades que l'on connaît. Mais aussi dans les plus petites stations, comme celle par exemple de Martigny-les-Bains, dans les Vosges, où on a là un plan de parc à l'anglaise, un plan de parc paysager, on va aller prendre les eaux et ensuite aller dans les différents lieux du parc, pour ensuite avoir une marche, je dirais, hygiénique. Et donc, il faudra que entre l'établissement, l'hôtel et le lieu de loisirs, il puisse avoir des parcs attractifs. Parcs attractifs avec des fabriques, avec des kiosques, mais aussi des éléments donc qui permettent à des personnes qui ont, qui sont, donc on appellerait aujourd'hui à mobilité réduite, de pouvoir exercer un peu donc de déambulation. Cette déambulation est une chose essentielle dans la ville d'eau. Il faut pouvoir déambuler parce qu'il faut pouvoir voir, découvrir. Découvrir le lieu, découvrir le panorama dans ces lieux de montagne que vous avez souligné tout à l'heure, et aussi se faire voir. Et donc, dans la promenade, pendant la promenade, eh bien justement, on verra le curé, le militaire, le ministre, toutes les personnes... pardon ? Le ministre ou... Le ministre, éventuellement, ou la personne qu'on fait semblant de rencontrer pour la première fois alors qu'on sait parfaitement qu'elle est là, parce que une chose aussi importante de la sociabilité, c'est qu'on sait qui est dans la station. Ouais. Quand vous allez à l'hôtel, bon, après également dans la villa, vous déposez à l'hôtel votre carte. Les cartes sont reprises tous les deux ou trois jours et sont ensuite... les noms sont imprimés dans le journal des étrangers. Ah oui. Et donc le journal des étrangers que vous lisez dans le cercle de la station vous permet de savoir que monsieur X vient avec sa famille, vient avec ses cousins, ses cousines, ses éléments de la famille qui sont peut-être qui pourraient éventuellement être des beaux partis pour le mariage. Et donc, vous savez très bien à quelle heure rencontrer telle personne ou telle personne qui va aller depuis l'établissement thermal jusqu'à son hôtel, etc. Et donc, c'est des espaces de convenance de promenade ouverte et de convenance également dans les cercles, la multiplication des cercles, à Basse, les assembly rooms, par exemple, qui vont être bien vus dans les multiples romans de Jane Austen ou éventuellement dans les romans plus contemporains. Ces lieux-là vont être des lieux de rencontre et des lieux de convivialité. Christelle Le Polothèque. Cette sociabilité des villes d'eau, elle est aussi en grande partie l'affaire des fermiers, pour la France en l'occurrence. Je pense à Calou, à Vichy, il y a eu aussi un peu avant Jacques Benazet à Baden-Baden. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont réellement faire venir toute une population, notamment des journalistes, mais aussi voilà ces élites, pour faire parler de la station, pour la faire connaître. Tout à fait. Et donc, on a là les premiers éléments médiatiques. Je me souviens de la première rencontre sur le thermalisme et la thalassothérapie de Biarritz, puisque Biarritz était une ville d'eau avec les thermes salins et en même temps une ville balnéaire, et que ce premier élément de thermalisme, eh bien, ça s'organise. Ou quand on fait venir à Vichy l'ensemble des journalistes, on aura d'une part les plus grandes sommités médicales qui seront là, mais les plus grands journaux également qui seront là pour vanter le mérite, les mérites de telle ou telle station, et on aura également des éléments très pittoresques. Et ensuite, bien sûr, les journalistes sont là à titre gratuit, mais en même temps, on va les faire visiter d'autres stations qui sont à côté, on va leur donner à voir des excursions, etc. Et tous les ans, tous les deux ans, tous les quatre ans, on va renouveler le côté médiatique, c'est un peu le salon du thermalisme comme il y a aujourd'hui, mais déjà à l'époque, dès le milieu du 19e siècle, les journaux, les journalistes vont permettre de démultiplier le côté médiatique de ces lieux. Et quand on parlait de Callou, eh bien, il faut lire, quand on parle de Callou, il faut lire le journal des frères Goncourt qui, dans un extrait, est lu pour nous par Nathalie Canoui. 22 juillet. Un chalet d'opéra comique et de vaudeville, sur le balcon duquel on croit toujours que des groupes vont chanter une ronde, comme au théâtre, en levant des flûtes de champagne. Un jardin qui n'est presque qu'une salle à manger en treillage, avec des médaillons de célébrités en terre cuite, fouillés par Carrier Belleuse. C'est le chalet de l'administrateur des eaux, Callou. Une maison dont on tourne sans cesse le bouton du cuivre. Maison toujours mangeante, musicante, chantante, recueillant au passage toutes les notoriétés et toutes les voix jeunes et vieilles. Hier, les Lyonnais, aujourd'hui, le vieux Tamburini. Un type, ce Callou, l'administrateur moderne, le faiseur du jour, l'haussmannien d'ici. Tout dans la main. Les eaux, les bains, l'exploitation de toutes les sources, le casino, le théâtre, les concerts, l'imprimerie, tout un monde d'ouvriers, des maçons jusqu'aux cartonniers des boîtes de pastilles, une armée de 600 ouvriers, hommes et femmes. Les paysans l'appellent Napoléon IV. Et par là-dessus, toujours à son affaire, laissant percer l'idée fixe de l'homme d'affaires, exploiteur, faisant servir tous ceux qu'il reçoit à quelque chose, tirant de ses hôtes une idée, une réclame, une utilité, des plans à l'architecte, un article au littérateur, et plaçant à intérêt tous ses dîners. Des dîners à effet où il y a juste à manger. Voilà pour cet extrait du journal des frères Goncourt daté du 22 juillet 1867 où on décrit donc l'investisseur, le fermier de Callou, le Callou donc de Vichy et ses boîtes de pastilles qui vont devenir célèbres. Tout cela sur un extrait des souvenirs d'Aix-les-Bains, une suite de valses d'Offenbach qui est allé souvent aux eaux mais pas à Vichy lui. Il allait plutôt du côté d'Aix-les-Bains, un extrait donc de son œuvre par l'Orchestre National de Montpellier dirigé par Jean-Christophe Keck. Alors nous sommes avec vous, Bernard Toulier, pour continuer à parler dans la fabrique de l'histoire de ces villes d'eau. On a une description ironique, très dure, comme peuvent l'être les frères Goncourt dans leur journal, de ce personnage de Callou, pour lequel ils ont quand même un peu d'admiration tout de même. Même si ils notent que les paysans l'appellent Napoléon IV, ils saluent d'une certaine façon l'investisseur qu'il est. Oui, mais il faut dans toute ville de villégiature ce qu'on appelle une locomotive. Alors la locomotive et on dirait l'animateur de la station, c'est plus qu'un animateur, plus qu'un locomotive. C'est une personne qui connaît et qui sait comment faire de l'argent. À Bâle, par exemple, Blanc a été célèbre parce que il savait drainer l'argent dans les casinos et on était le prendre après et pour construire la station de Monte-Carlo qui végétait un peu. Et donc ces personnes-là, soit des personnes qui ont tout, qui savent faire marcher toute une station ou éventuellement qui savent faire marcher deux grands hôtels avec lequel il y a juste à côté un établissement thermal, ce sont des gens précieux. Parce que ils ont des réseaux de relations, ils ont des réseaux de relations qui vont très loin. Blanc Abad avait déjà connu le directeur, le futur directeur du PLM. Et donc Paris-Lyon-Marseille, donc la ligne de chemin de fer qui va conduire jusqu'au sud. Oui, et donc quand je vous parlais des lignes de chemin de fer qui conduisaient aussi de Paris à la aux sources thermales d'Auvergne, eh bien c'est les relations donc avec ces transporteurs qui vont permettre de pouvoir faire arrêter le chemin de fer à tel endroit, tel endroit, et d'avoir des lignes de chemin de fer. C'est eux également qui connaissent les grands architectes. C'est Blanc, par exemple, qui connaissait Garnier et qui a fait venir Garnier. Garnier, après, vient à Monte-Carlo, mais 3 ans après, il vient à Vittel. Et donc, ces architectes-là se connaissent entre eux et également sont connus de ces animateurs. Donc, ces locomotives également, on connaît également qu'est-ce qui peut faire venir. Et donc, ils connaissent les derniers opéras, les derniers orchestres à la mode, etc. Ils font venir après la saison, c'est-à-dire après le dernier opéra. C'est la saison thermale qui s'ouvre, ou la saison ensuite balnéaire qui va s'ouvrir. Et on fait venir les orchestres, les meilleures troupes, dans ces lieux thermaux. Et c'est pour ça que à Vichy, donc vers 1900, lorsqu'on a construit l'opéra, on fait venir les meilleures troupes de Paris, et que Vichy, la reine des villes d'eau à l'époque, avait également les meilleurs opéras après Paris. Christelle Le Polothèque. Il y a également un événement historique qui va jouer un rôle, j'imagine, dans l'affermissement de cette vitalité des villes d'eau en France. C'est la guerre de 1870, la désaffection du public français pour toutes ces stations allemandes, je pense à Baden-Baden, Marienbad, Carlo Vivari un peu plus à l'est, et qui va aussi entraîner une propagande tout à fait détestable sur la mauvaise qualité des eaux en Allemagne. J'imagine que ça va permettre un afflux de curistes et donc de touristes dans les villes thermales françaises. Bernard Toulier. Tout à fait. Et donc, on voit là, c'est un affermage, certes, mais en plus, je dirais, certaines idées. Et donc, dans les journaux, on va toujours comparer, pendant au moins donc 40 ans, la reine des villes d'eau françaises aux autres, en disant, bien sûr, qu'on est les meilleurs, qu'on a les eaux, également, qui guérissent le mieux, etc. Donc, c'est toute la construction du mythe national qui passe par la ville d'eau. Donc là, je dirais que c'est une ville de pouvoir, mais du pouvoir d'abord médiatique. Et donc, les journalistes sont pour beaucoup dans la construction. Les journalistes, les guides des villes d'eau sont vraiment magnifiques à ce point de vue. C'est-à-dire que on engage des grandes références. George Sand, par exemple, dans le Sud, va être engagé pour pouvoir écrire des romans dont on va créer des citations pour pouvoir les remettre dans le guide. Et donc, un tel a écrit que le grand écrivain, un tel, a écrit sur la station 2, et on reprend les éléments. Tout ça, bien sûr, le grand écrivain, on lui a fait un séjour gratuit, et même on l'a logé dans une villa gratuitement pendant plusieurs années, pour qu'il puisse écrire à loisir. Le compositeur, c'est pareil. Et donc, on invite les personnes qui permettent ce qu'on appelle aujourd'hui de faire du buzz, donc de pouvoir rapidement qui ont leur propre réseau et qui permettent d'attirer les personnes. Donc ça, ces villes thermales, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger, hein, à Spa par exemple, on connaissait très bien les systèmes pour faire venir différentes nations à Spa, et on avait toujours les meilleurs journaux qu'on invitait plusieurs fois par an pour qu'ils puissent avoir un grand article ou plusieurs grands articles qui vantaient à chaque fois des choses différentes d'année en année. Et on parle de villes d'eau comme des villes de pouvoir avec vous depuis le début de cette émission, Bernard Toulier. Il y a les têtes couronnées, donc qui sont évidemment, j'imagine, là aussi, on cherche à les faire venir dans sa ville d'eau, parce que avoir un souverain européen peut aider à la notoriété, parce qu'il y a tout autour de la cour de ce souverain des rumeurs qui peuvent courir et qui peuvent justement aider à faire parler de la ville. Cela aussi, ça fait partie de la stratégie de ces tenanciers de villes d'eau dans toute l'Europe, que de faire venir les plus grands souverains de l'Europe avant 14, mais même après 14, pendant l'entre-deux-guerres, par exemple. Bien sûr, et donc si on analysait réellement le nombre de lieux où l'empereur est venu dans les villes d'eau, je crois que l'empereur Napoléon III, vous voulez. Napoléon III aurait plusieurs vies, et donc il aurait dû venir là, etc. Et donc la chambre de l'empereur, etc. la chambre de, c'est un peu comme la chambre du roi qui est partout dans les châteaux, etc. Donc la notoriété est importante. Donc pour avoir les lettres de noblesse de cette notoriété, on utilise tous les éléments qui sont habituels. Donc certes, notoriété donc politique, mais aussi notoriété sur les opéras. Il faut qu'il y ait le grand compositeur qui vienne, qu'il y ait l'orchestre à la mode qui soit là, et plusieurs orchestres. On a vu, on a entendu plutôt, grâce à vous, par exemple, qu'il y avait des orchestres avec des danses locales qui étaient pas très bien tenues. Mais il y avait toujours trois orchestres dans une station thermale. Il y a au minimum trois orchestres. L'orchestre qu'on fait venir de Paris, mais aussi l'orchestre de Digane, très important, et l'orchestre qui joue des airs locaux. Et donc ces trois orchestres-là, suivant le lieu, suivant l'heure, on les fait jouer également dans des lieux différents pour des danses différentes, des danses plutôt de salon ou des danses qui prêtent beaucoup plus, je dirais, à la lubricité parfois. Et donc on a là, dans les romans, beaucoup de danses qui sont expliquées de ce côté-là. Voilà. Christelle de Polothèque. Pour revenir peut-être à Napoléon III, on peut dire qu'il est à l'origine de certaines stations thermales en France. Plombières, oui, notamment, Arcachon même. Etc. Et sans parler de Vichy, là-dessus, sur les deux, c'est-à-dire sur le thermal et le balnéaire. Et il joue également sur sa cassette personnelle pour se construire des lieux où il va venir, où il devrait venir, et également il joue sur ses courtisans qui font également la même chose, le duc de Morny, Pérère, par exemple, ou Morny, etc., qui, enfin courtisans, en tout cas des gens qui imitent l'empereur et qui joue sur les mêmes accords, les mêmes éléments qui permettent de se construire eux-mêmes leur propre station. Ils invitent l'empereur comme on le fait, comme Pérère le fait à Arcachon, et donc c'est le lieu de fête, c'est-à-dire que l'empereur voit que Pérère fait encore beaucoup mieux que lui à Biarritz ou beaucoup mieux que lui à Vichy. Et donc le chalet, le pauvre petit chalet de l'empereur et de l'impératrice à Vichy, par rapport à l'immense chalet de Pérère à Arcachon, on a vu à la période royale d'autres serviteurs du roi qui se sont fait couper la tête pour moins que ça. Voilà. Bernard Toulier, on va bientôt terminer cette émission. Qu'est-ce qui explique et c'est une question qu'on nous pose souvent et qu'on peut se poser, effectivement, qu'une ville comme Vichy soit devenue la capitale de l'État français sous Pétain, ou qu'une ville comme Évian ait été le siège de tant de conférences internationales, la dernière étant effectivement, la dernière célèbre, c'est celle évidemment qui conclura la guerre d'Algérie. Est-ce que c'est simplement, comme on l'a souvent dit, la disponibilité de très grands hôtels qui permettaient d'en faire des ministères, ou des lieux de négociation qui justifient tout cela, Bernard Toulier ? C'est la tradition, comme je l'ai dit déjà, c'est la tradition donc de pouvoir faire des rencontres non officielles, diplomatiques, avant même des rencontres officielles. Et donc, on sait déjà aller qu'un tel sait habituellement aller, même encore aujourd'hui. On fait des rencontres, les grandes rencontres des chefs d'État africains, par exemple, se font toujours dans une ville de villégiature, ou se faisaient en tout cas du temps de Mitterrand, ou dans une grande ville de villégiature. Et donc, certes, il y a les lieux de confort, mais également des lieux qui sont en communication directe. C'est le lieu Vichy, après Paris, où, durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait le plus de téléphones. Et donc de lignes téléphoniques en direct. C'est le lieu également où il y a le plus de confort et d'hygiène, et pour un nombre important de personnes. On peut accueillir des centaines et des centaines de personnes avec des chambres d'un très grand confort. Donc ça aussi, ça joue. Et puis, je dirais que il y a la notoriété, c'est-à-dire que le chef de la station est toujours intéressé par avoir une grande rencontre internationale dans le lieu, parce que ça lui fera des articles de plus dans les journaux. Donc on facilite également ces rencontres et ces conférences internationales dans ces lieux. Et si on le prend également à l'extérieur, Sharm el-Cheikh par exemple était un lieu également où il y a eu des rencontres importantes après les guerres ou pour faire des négociations de paix. Ce sont des lieux où on peut faire des excursions, où on peut rencontrer innocemment telle ou telle personne qu'on rencontre pas officiellement, ou par exemple Adenauer et puis le général se sont vus dans des lieux de villégiature privée du domaine présidentiel en France sans que personne ne sache auparavant, ou effectivement se sont rencontrés à Baden-Baden comme le racontait le documentaire d'hier, que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur le site internet de France Culture ou télécharger bien entendu un documentaire signé Christelle Le Polothèque et Anne Fleury. Merci beaucoup à vous Bernard Toulier, et surtout d'avoir fait la liaison avec le thème de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine nous parlerons du secret, des espions, de la diplomatie. Et justement, ces lieux de villégiature que sont les villes thermales sont des lieux, on l'a compris, d'espionnage et de diplomatie secrète. Merci encore à vous ainsi qu'au studio de Radio France à Tours qui vous ont accueillis. Merci à vous, Christelle Le Polothèque, qui nous avait accompagnés depuis le début de cette semaine. Demain, nous aurons un tout autre sujet. Nous célébrerons les 40 ans du magazine L'Histoire, donc, et nous recevrons certains et certaines de ceux et de celles qui ont fait ce magazine depuis 1978. Merci à vous, Nathalie Canoui, d'avoir lu les textes aujourd'hui. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Édouard Rubinstein nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation.